13-22, observation, envie. Marie-Laure a envie d'aller jouer. Elle a envie de jouer au portrait. Elle a envie de faire du karaté. Elle n'a pas envie de travailler. Elle a envie de manger du chocolat. Elle a envie de chocolat. Elle n'a pas envie de travailler. Elle n'en a pas envie. Notez que « avoir envie » peut être suivi de « de » plus un verbe à l'infinitif ou de « de » plus un nom. « Avoir envie » peut être précédé de « en ».